Sur ma route j'ai vu plein de choses, des gens qui te manquent, des gens qui te trahissent, ceux qui feraient tout pour toi malgré tes crises de nerfs, tes caprices. J'ai vu des gens te cracher dessus même si maintenant tous tes gars kiffent. En vrai rien n'a changé, mon compte bancaire reste en négatif. J'ai rencontré des sales types, des artistes qui t'a fait s'applique. Une bouteille de whisky, un beat, un mic et ça c'est magique. J'ai vu comme on abuse, on jette, on tue, on prend, on gaspille. J'ai vu des putes en mini-jupe en rue qu'avaient pas 15 piges. J'ai fait des rencontres, des gens intéressants, des gens cons. J'ai vu des potes finir l'unif, d'autres finir en détention. J'ai constaté de la jalousie dans les yeux de certains. Pour être le best, hein, à quel point faire de l'argent rend les gens mesquins. J'évite de me plaindre de trop quand je vois que mon père s'esquinte le dos. Quand je rappe, tu sais, je me donne à fond. Petit, je peux pas restreindre le flow. Mais rester droit, c'est chaud, même si ça paraît simple, c'est faux. Le temps sépare les gens et je vois que j'ai perdu plein de mes sauciers. Le temps d'un son, je me suis arrêté de respirer. C'est en t'inspirant de tes erreurs que tu peux tracer ta destinée. J'ai décidé de m'appliquer, c'est mieux que de sombrer dans la bière. Juste le temps d'une mélodie, je me suis replongé en arrière. J'ai fait un bilan de ma vie, des 25 premières années. Moi qu'avais si bien démarré, je prends conscience que je me laisse aller. Un train de vie décalé, ça tisse qu'importe l'heure et l'endroit. Je passe mon temps à râler, pourtant j'ai toute la vie devant moi. J'ai eu la chance d'avoir une bonne enfance, je m'en fous de ce qu'on en pense. Vu que mes plus chers amis sont souvent ceux qui ont le plus petit compte en banque. J'ai vu toutes sortes d'ambiances, des gens se complairent dans leur fainéantise. Et même qui pensent qu'à cause des étrangers tout le pays est en crise. On se renferme sur soi-même à force d'ouvrir son cœur. J'ai côtoyé l'échec, la haine, la peur et les sourires moqueurs. Plus j'ai croisé l'incertitude, elle m'a envoûté et j'ai douté. Puis je l'ai vu disparaître après 5 whisky purs. J'ai rencontré l'amour, j'en garde un goût amer. C'est souvent quand t'es seul au monde que là t'en veux à toute la terre. J'ai pas trouvé mieux pour ma peine que de me plonger dans la musique. Moi je recherche pas à plaire, je veux éviter de péter un fusible. C'est pas la même pour tous, chacun son combat, sa bannière. Le peu que j'ai fait, j'en suis pas fier, mais y'a pas de bout, on marche arrière. Faut jamais oublier qu'à la base on part tous de rien. C'est toi qui dictes tes choix, chacun sa life, chacun son bout de chemin. Tu vois? Tu vois? Moi? Je côtoie les mêmes gueules chaque jour, j'voudrais quitter ce décor. Dans ma tête c'est un peu le désordre et je l'avoue. Ici il pleut des cordes, l'ambiance est moche, on nous pousse à bout. Pour aller mieux bas je mixe et je fais des prods, en gros je touche à tout. J'essaye d'évoluer, de pas rester constant ni de régresser. Vu que ce serait perdre mon temps et je suis pressé, je pense que ça se comprend. J'ai fait mon bout de chemin pépère sans jamais trahir tel ou tel pote. J'ai parfois fait de la merde mais là ça va donc je me dois d'être fort. J'ai vu le cancer toucher ma mère à deux reprises. Donc à l'avenir je ferai tout pour que mes parents soient fiers de leur fils. Malgré le fait que je les aime bien plus que tout, j'ai peur de leur dire un jour il sera trop tard. Vu que la mort n'oublie pas que leur fil, c'est presque la fin du son. Mais pas de ma route, j'ai des phases en stock. Le rap ça paye pas top, j'appellerai même pas ça de l'argent de poche. Les inégalités nous divisent plus que certains en poche. Y'a ceux qui se déplacent en stop, puis t'as ceux qui te dépassent en Porsche. Tu vois? Le temps d'un son, je me suis arrêté de respirer. C'est en t'inspirant de tes erreurs que tu peux tracer ta destinée. J'ai décidé de m'appliquer, c'est mieux que de sombrer dans la bière. Juste le temps d'une mélodie, je me suis replongé en arrière. J'ai fait un bilan de ma vie, des 25 premières années. Moi qu'avais si bien démarré, je prends conscience que je me laisse aller. Un train de vie décalé, ça tisse qu'importe l'heure et l'endroit. Je passe mon temps à râler, pourtant j'ai toute la vie devant moi. Le temps d'un son, je me suis arrêté de respirer. C'est en t'inspirant de tes erreurs que tu peux tracer ta destinée. J'ai décidé de m'appliquer, c'est mieux que de sombrer dans la bière. Juste le temps d'une mélodie, je me suis replongé en arrière. J'ai fait un bilan de ma vie, des 25 premières années. Moi qu'avais si bien démarré, je prends conscience que je me laisse aller. Un train de vie décalé, ça tisse qu'importe l'heure et l'endroit. Je passe mon temps à râler, pourtant j'ai toute la vie devant moi.